Fête. Al-Eid. Eid est un mot arabe signifiant fête. Il y a seulement deux fêtes en islam. Eid al-Adha, la fête du sacrifice, et Eid al-Fitr, la fête de la rupture du mois de jeûne. Eid al-Fitr est célébré le premier jour du mois de Shawwal, qui suit le mois de Ramadan. C'est une manière de remercier Allah pour avoir permis à ses pieux serviteurs de jeûner le mois de Ramadan. Eid al-Adha est célébré le 10e jour du mois de Dhul-Hijjah pour commémorer la soumission d'Abraham, Ibrahim, à l'ordre d'Allah de lui sacrifier son fils Ismaël, Ismaïl. Il est strictement interdit de jeûner ces deux jours. C'est Allah lui-même qui a choisi ces deux fêtes pour les musulmans. Quand le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, émigra à Médine, il constata que ses habitants consacraient deux jours dans l'année à des divertissements. Il leur demanda « Que sont ces deux jours ?» Ils répondirent « Avant l'islam, nous avions l'habitude de jouer et de nous divertir durant ces jours. » Alors le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Allah vous a donné deux jours meilleurs encore. » Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Hadith rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Les compagnons du prophète avaient coutume de s'embellir et de se faire beau en ces deux occasions, notamment en accomplissant le rusul, les grandes ablutions, en revêtant leurs plus beaux habits et en se parfumant. De même, ils proclamaient la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, à voix haute. Ils se congratulaient mutuellement et s'engageaient dans des types de divertissements licites. Quant au Eid al-Adha, la fête du sacrifice, les musulmans, après avoir immolé leur animal du sacrifice, mangent de sa viande et en distribuent une partie à leurs voisins, leurs proches, leurs amis et les pauvres. La prière du Eid consiste en deux rak'a. Elle est accomplie sans adhan et iqama et elle est suivie d'un sermon, khutba, qui est normalement en deux parties avec une brève pause entre les deux. Les deux prières du Eid sont une pratique régulière et confirmée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il l'a toujours observée et a encouragé non seulement les hommes, mais aussi les femmes et les enfants à y assister. Le temps de ces prières commence après le lever du soleil, lorsque celui-ci s'élève au-dessus de l'horizon de la hauteur d'une lance. Cependant, il est meilleur d'accomplir la prière de l'Eid al-Adha au tout début de son temps, afin de permettre aux gens d'accomplir leurs sacrifices, et inversement, de retarder la prière de l'Eid al-Fitr, afin que les gens puissent payer leur zakat al-Fitr. Les prières du Eid sont accomplies de la même manière que la prière du vendredi. La seule différence est que l'imam prononce sept takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, dans la première unité de prière, incluant le takbir al-ihram, par lequel le fidèle entre en prière. Ceux qui sont derrière l'imam prononcent aussi les takbir et lèvent les mains au niveau des épaules ou des lobes des oreilles à chaque takbir. Ensuite, ils récitent la sourate al-fatiha, l'ouverture, puis la sourate le très haut. Dans la seconde raka'a, ils prononcent six takbir, incluant celui de la nouvelle unité de prière, puis il récite la sourate al-Fatiha, suivie de la sourate l'enveloppante. Les fidèles prononcent également ces takbirs et lèvent leurs mains, comme indiqué précédemment. Une fois la prière terminée, l'imam délivre un sermon, puis s'assoit un court instant. À la fin du discours, chacun quitte l'assemblée. Quiconque manque la prière du Eid doit la rattraper en accomplissant quatre unités.